jetant l'arc de Nemrod, le divin arc de fer, et la flèche qui siffle et la flèche qui vole et que j'envoie au bout du monde, et ma parole. Je fais causer le Rhin, le Gange et l'Oregon comme trois voyageurs dans le même wagon. La distance n'est plus. Du vieux géant espace, j'ai fait un nain. Je vais, et devant mon audace, les noirs titans jaloux lèvent leur front flétri. Prométhée, au Caucase enchaîné, pousse un cri, tout étonné de voir Franklin voler la foudre. Fulton, qu'un Jupiter eut mis jadis en poudre, monte Léviathan et traverse la mer. Galvani, calme, étreint la mort au rire amer. Volta prend dans ses mains le glaive de l'archange et le dissout. Le monde à ma voix tremble et change. Caïn meurt. L'avenir ressemble au jeune Abel. Je reconquiers Éden et j'achève Babel. Rien sans moi. La nature ébauche, je termine. Terre, je suis ton roi.